Zeggen we nu de silo heen en bijzonder? C'est l'heure de retrouver Henda Bredonk. On commence cette émission de Henda Bredonk Kentel Pem Kan Huer Adaugen Nekese Henri Huer Adaug. 546, oui. Voilà. Et c'est un verbe. C'est un verbe. Qu'on va voir aujourd'hui, un verbe très utilisé en breton. Très utilisé, oui. Très court, très utilisé, c'est chom. C-H-O-M. Donc, un verbe dont la base verbale est confondue avec l'infinitif, hein, chom. Donc, qui veut dire beaucoup de choses, hein. Rester, habiter, voilà. On va voir un petit peu les différents sens de ce verbe. Donc, je dis la base verbale, c'est comme l'infinitif chom. Et le participe passé, chomet, voilà. Régulier. Alors c'est un emprunt à l'ancien français chômer qui a donné le verbe actuel chômer. Hein. Donc chômer c'était se reposer, rester inactif, ne pas travailler. Voilà qui a pris un autre sens, enfin le même sens en français mais dans un autre contexte. Hein. Chômer aujourd'hui être au chômage quoi. Hein. C'est moins volontaire. C'est moins volontaire oui. Alors, en gallo, il y a également un verbe qui est chômé, qui n'a pas tout à fait le même sens, mais qui est de la même origine, qui veut dire être debout, se dresser. Par exemple, on entend dire chômeté. Chômeté, lève-toi. Lève-toi et marche, comme disait l'autre. Hein. Voilà. Donc, je l'ai dit, le participe passé, c'est chômeud, hein, en breton. Voilà, et c'est très utilisé, par exemple, « chomedon de badière, je suis resté à la maison »,« chomedon de couscate, je me suis endormi »,« chomedon de couscate, direct une télé », par exemple. Hein, voilà. C'est resté donc dans tous les sens du terme. Par exemple, on va dire « chomera case reste à joue ». Ou elle est reprête, hein, il reste beaucoup de reste après le repas. Hein. Il reste encore du temps, chômera amzorwaz. Hein. Il y a aussi, par exemple, quand on invite quelqu'un à dîner, par exemple, on lui dit chômbe gantokon, reste avec ton dîner. Quoi. Et si on la traduction après, c'est chômbe don de grand-mouron, je suis resté avec mon dîner. Ça, c'est très breton et c'est très employé. Hein. Chomedon de clan, je suis tombé malade. On est resté malade, quoi. Voilà. Chomedon zouette, hein, ou zouézed, hein. Je suis resté surpris, hein. Chomedon de bouémette, hein. Je suis resté ahuri, frappé, hein. Voilà. Chomdiune, c'est ne pas pouvoir s'endormir, hein. Rester éveillé, hein. Une expression qu'on employait assez souvent, chambre des ivry ou à raglette. Son nez est resté sur la barrière. Ça veut dire on est resté le bec dans l'eau, en fait. Quand on essaie de faire quelque chose et qu'on n'arrive pas, hein. Chambre des ivry ou à raglette. Hein. Chambre zao aussi, chambre zao, c'est s'arrêter. Ah ouais. Chambre zao, hein. Voilà. Alors, une des significations, c'est aussi habiter, hein, boudochom, ou baisant au chom, ça veut dire habiter quelque part. Hein. D'ailleurs, une adresse, ça se dit chomler, hein. Mise au chom bapurut, hein, j'habite à Pemrit, hein. Alors la question, plaire au chom. Ah, ça, c'est hein, indispensable. Ça. Indispensable, hein. Où habitez-vous? Plaire au chom. Donc, réponse, hein, mise au chom bapurut. Hein. Alors, il y a aussi une formule qui est assez intéressante, c'est chom hip. Rester sans. Chom hip over on drabeneket. Rester sans faire une chose. C'est-à-dire s'abstenir, en fait. Hein. Chom hip votant. Rester sans voter, quoi. Donc, ça, c'est très, très breton aussi. Hein. S'abstenir. Alors il y a des mots dérivés. J'ai dit chomler tout à l'heure. Chomadur aussi. Hein. La résidence. Hein. Sean Madden, un séjour, quoi. Et Sean Mus, persistant. Bon, on a fait un petit peu le tour, hein. Le nom que Sean Megualbel. J'avais vu que tu avais marqué un Zargoulo, Sean Kewarzao. Ah, il y a un Zargoulo, Sean Kewarzao. Un sac-vie ne tient pas debout, oui. Ça aussi, c'est utilisé. Oui, c'est utilisé. Il y a beaucoup de choses avec Sean Main. C'est un verbe très polysémique, en fait. Beaucoup plus qu'en français, quoi. On en reste là. On passe à Brezhonek, tome à tome. Brezhoneg Tamatamb, avec un petit tour à Zantoluk, ce village parfait, où tout le monde parle breton, même les Anglais, et où se promène Chanik, la journaliste de radio du coin, et en général elle va faire des petites interviews, c'est ça Henri hein? C'est ça oui, et là elle va voir Job Dedeleg, hein, qui est l'instituteur en retraite bien connu, qui est président de Bleu News Zantoluk, qui est une association d'animation de la commune de Zantoluk. Salut Job, ma de jeu. Matri, Chanik, Aganar. Matri, Yves. Mais l'aridine, gwelet meus war ar gazeten, e oa bet un deal ar veia dek bazantolek. Ya, Chanik, tipe der gweje bla, vek red ze, gant ar gevridigus, blenioz an tolek. Ak zul gwej, vek pli jadur. A kalza du da zo bet? Ya, tost gant du de oa un deal, evit ar vejman. Tut koz, tut yaouang, a mam eus bugale. A zon eurien? Ya, zon eurien. Quand Erien compte Erien, Régoz Areyawang, Bipsortraus ou Biclevet, Conta Denu, Kanoenu, Zoneres Gan Bipsort Binview, Trujan Gaul, Telen, Binyu, Bombard, Bristen Diol, Ag Zurz ou Beplija dur Milardar, Awaler ou Abed en Tampfez Nons, Trou Hanter Nons. On reprend phrase à phrase ce dialogue entre Chanik et Job. Salut Job, manager. Oui, salut Job, ça va? Ma très Chanik, à Gunnar. Ça va bien, et avec vous? Puisqu'ils vous voient dans le coin ici, on vous voit tout le monde. Hein. Pemri très margat, zantolog. Ma très. Oui, très bien. Met l'aridine, gwelet meus war gazeten, et wabet un deal, ur veillade ba zantolog. Oui, j'ai vu dans le journal qu'il y avait eu l'autre jour une veillée à Saint-Oleg. Ya Chanik, Diou Peder Gweshabla, et Vegretze, Ganar Geverdiguez, Blenioz Antolok. Oui, deux ou trois fois par an, on organise cela avec l'association Blenioz Antolok. Ça veut dire les fleurs de Zantolok. Azul Gwesh, et Veplija Adur. Et à chaque fois, il y a du plaisir. À quelles adultes elles obéit? Il y a eu beaucoup de monde. Ah, il y a. Tos de grandes adultes et ouar vêchement. Oui, tos de grandes adultes, il y avait pas loin de 100 personnes cette fois-ci. Tu te causes, tu dis ouan, qu'à même se bugale. Tu te causes, hein, des vieux, des jeunes, tu dis ouan, à même et même des enfants. À zone rien. Oui, et des sonneurs. Ah, il y a. Zone rien. Compte rien, corne rien. Oui, il y a eu des sonneurs, des conteurs, des chanteurs. Régouz à Guerriawang. Des vieux et des jeunes. Bepser Traus au Beklevet. On a entendu toutes sortes de choses. Contadeno, Kanaweno, Zoneres Grand Pepser Binvio. Oui, donc des contes, des chansons, de la musique avec toutes sortes d'instruments. Trejengol, Telen, Binu, Bombarde, Buestendiol. Oui, alors clarinette. Harpe, biniou, bombarde et accordéon, Bouestendia ou la boîte du diable, hein. L'accordéon. Avec une dute bande danse, c'est vite échoué en osée. Et les gens dans la danse, hein, pour finir la soirée. Trente ternos. Oui, vers minuit. Ben, on termine là. Voilà, échu. Échu, et on passe à Petra Zone Vervo. Trazonné Vervron. Ben, calzedrau et veljus buervej diouzon. Krogom de diantan velkiz a custum gandela bourdoua a gervu et war armez. Tramanede vraiment gwelian hag bon aion bad nan vraiment ban devejou hir velar en mat hag mare a damzor domzo bet ba miseven hein, pezvek de gwel alis. Sais-tu, VFB mort quand au Bordeaux, vraiment? J'aurais fait Gloahiol. Régose là, Gloahiol, au nom de Zorvat de Plantocol, à ses augures. Chaumont montant, moi, là, Bordeaux, en Aïn. Cudé nous au roi, grande prise de l'aise. Buenusque cotaille au tinoir à l'aise, prise au chaum me disel. À Gouscoudé, Mesguelet. Normande, ha war gwer, on t'en mat. Mais me mestra, prise l'aise, chombre isel, et vite paye au cargo, zo verion, zo l'aise. Sais-tu, zo bé de manifesta d'égo, direct, opérative, ou grande, broduerion l'aise. Hag, bonne, zézo, on dra, ou red mestra, quand on discloum benek, bénéfine. Et vite de mort, et gwel arentrau, chombre rama de prise, hag prise, boue de mort, zo edward rau, c'est une vie de Zaverian mort, et quoi, alors, un trop, vie de Pézo, vie de Zaverian Zaoulès. Végel, moi, comme je tarde de ce ministre né, veuillez l'arbourdouar, ou ministre de l'arbourdouar, ou à l'air Stéphane Orfol, à rien, soit Jacques Mézard, Moi là, ni voit que Bédoms, ni j'ai que Bédoms ont une vraie alcalse, mais dès des honte de vivre, plus dur, n'est que chambre mélomise bénéfine. Ce que Bédoms ont de une vraie alnador calse droit. Ague, bon, vraiment, à plus d'heure, ou après, quand on en de, bah, dans de la place, Ferrand, vide, ministre, intériade, ou Richard Ferrand, ague, il besoin de voir y place, là, non. Ague, on dénèle, Stéphane, Travers, moi, comme éclair, comme de Zundé, de Ross, ils sont de ze, bro, Normandie, de ze, Manche, Pélarin Mott, zo, Bérandvet, ministre là pour tout. Déjà, Zobé, dans le temps, j'ai grand temps avec Nicolas Hulot, ou Ardachena, pesticides, puis, l'usayant chimique, puis, on aime, ouais, du, vide, rad, raid, notre, notre égus, vide, derne, de, nid, cotinoïde, avec Nicolas Hulot, ne se l'a de vos que grède, bon, temps, j'ai j'blé, Zobé, ouarzé, quoi. Bon, guelou, puis, ça m'a de vos comptes bénéfines, ministre tient en de raison de Nicolas Hulot, mais bon, plus dur on ne compte voir de voir ce politiquer, hein, de ce là pour doua en bédoir d'acheneur politiquer, tramedé un aidro de ce, bon, déjà, ou abé de, votadé gouvilla cadondé, loir trône d'Agobert, velare, venge contre le, ag, ouais, de notre Macron, à Wallers, au bé de, votadé ou vide un député, hein. Vide Broplo Hermel, corne Broplo Hermel, n'en que bête va être au viche, plus dur Paul Molag ou à Edbars de Zun Tolkienta. Paul Molag, Zorana, veut de mode, vide là, bonneuse grette, vide au Brazon, famille Riez ou Guasque de Provence, Drevras, plus dur ni Wakinig d'un de Vélezen, vide Casoirog, Riez ou Guasque. Mais de bonnes jiwazois que bévote depuis du roi. Roi régrin, galou de jacobinet. Vidormar, évêque guard, et puis aux jacobines, gambe député, mais de bénéfine, bijon, vous nisoir, vous gouel, de blaze, y tombe, zo roi. Bavro, quand vro, homme, moi, de, moun, quand Yannick Erlogot, ag zo meskol di ouyezek, a zo hana ve mat bavro vi de la bourrera ou ar dro ur zevena dur. Yadi kerlogod oa en de anni le ouerou, ag zo be de jusmat, de zo ne ni oa kinig dans les an ive vi de vi lor yez ou gwasket, ag ye les an zo a bivotet, ba kambe deputeet. Mais de bon bénéfice et que tram de bat camberigos bah sénat quoi vraiment le pète vos graines quand les enzem bah quand vous loujac wa on en yo wang Olivier Alain et de Marc Le Fur dans les causes mais Marc Le Fur au champ même mestra ferme ou rigarde ag au champ de rigarde. Hendel, président Neve, Zombé Dilenet, et vide, Braise, Yvé, hein, Loïc Chenet-Girard, hein, LCG, Vélard, 200 maisons, et son maire, livré, Braise Uvel. À Zoët, place, Endrion. Bon. Dans mon temps, moi, d'acheter un Endro, vraiment, comme je vais calzer mar et bande une tour yo avel, plus dur on ne peut blaver ziozo, ve gwelet, vezave de tour yo avel, on tombe pebler à Brice, à Bremont zo raktre sou roz, ba malonné, tos de vengam, à ba gronvel. Bon, et vel juste au tu de ineb, à tu de du, hein, vel, kizakustim. Gwelet vos pesamo de vos comptes. Des vaisseaux et aide Nicolas Hulot, ministre d'un endro, aga déjà ne scudé nous gonne blazy blazy en me braise ne scud blazy mais le bah les squad guarex au de indel ne scud blazy tin pelzo mais de bah christé brovrance zoai calz blazy woman aga bonne zo cudé nous gonzé plus dur zo bellar calz de vedoirland et gander blazy à derns au villa rone tout, derns au villa rone de bon, derns au villa fevigoire et blazy, c'est uso, zocudé nous gonzé, à marat vos clés comme ce roi de ce blazy. Blazy, ce sont deux de ce beau Italie, quoi, où ce coup des wabela que de reprendre de l'arte, ou que droit dans le zone de la Provence, mais de l'aime mestra. Vais-je au contendard de ce Nintourn, bon, de prestige vos digours de ligne Nintourn neve très, bon à Roison, avec un train là qu'au de rentre de zone de Sparis, Beta Roison, à 10 rentre de zone de Vengam. Avec bon, ré niveau Rouen dans de Paris, à l'aumône, vous n'y sort. Végenom, je regonte en d'art de Zenostelir, Iso Bavro, avec Zerd, Kalsne, mais vide végement n'est que d'Onostelir, Iso Seri, mais Onostelir, Iso Tigor, Iso bah, Croastas, Iso Tigor, Neveso, avec Iso Hang, le Tidadaf, à cet Iso Nostelir, Iso Zanigoud, Ndare, avec Chansvoir, l'art de Nostelir, Iso de gratitude, de Nongaoud, à Dévoban, Sambles. Hendel ou Ardash et le Zévenadur, lancement des basans d'Anton, Orguel, lieu mouvant, ag, finesune, veille, au Berntro, brise de Velet, de Chilo, ad, de Clevet. Hendel, péon de Combs de Sgueliou, imbande des bits de Pesvogret, Bandan ou de Blanc, vide, festival Pline, ag bon ne ce que change calze dra mais derrière vous jongeran de vos calze dut blanc ben dans août ag programme festival ficelle zo bedin vend des vaisseaux IV barostren m'embé de lit de doir un ton de brase diabla un hippodrome puis on va zo quand la rentre quand l'assaut à digor de un hippodrome blanc ou à grand de mes atcos, le mom, le temps de me mom, ou à bédigor, de l'hippodrome, bah, rostren. À blanc, mes obéd, spentrim, il le dut, vie de course au rostren, et vie de lit dans zé, quoi. Bon, bah, c'est-tu, on tombe de spéso névé, quand je drogue, fait bête de larmes, mais, ben, végèle, voilà, à quoi, ça. Qu'est-ce que Morgane.